Maintenant, nous allons parler des nouveautés qui sont arrivées sur le réseau il y a quelques jours ou peut-être même quelques heures, je crois. First One. Oui, bonjour. En fait, ça dépend quand la personne va écouter le podcast parce que les screenshots ont été diffusés le 13 novembre 2009 et on va juste faire un petit passage commentaire sur ceci pour que les joueurs puissent, en même temps qu'ils regardent les screenshots, voir un petit peu, pour qu'on leur décrive un petit peu l'univers en fait. Alors juste, D'accord. on risque de ne pas dévoiler les screenshots sur Skynet, donc rappelle-leur l'adresse où ils pourront les visionner. D'accord. Je pense que s'ils veulent les voir, ils pourront les voir sur jeonline.info, mondepersistant.com ou alors sur le site officiel Jump Gate Evolution, le côté français. D'accord. Alors, je vais tout de suite Donc, commencer. c'est screen. Ah, comme il y a des Vas-y. screens sur monde persistant, mince, mince, tout ça. Quand il faut bien les poster. Monde persistant, c'est pas une flèche, on va dire, hein. C'est persistant, hein. C'est sur la durée, c'est l'endurance. Voilà, exactement. Non, mais ils vont être distribués sur tous les sites internet, donc c'est vraiment, c'est en fonction de l'endroit où le joueur les verra, ce sera vraiment, à mon avis, jeu en ligne et monde persistant pour les fans sites français. Ok. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces screens? Alors, il y a trois screens, je vais les commenter un par un, ça sera plus simple. Je vais Vas-y, commencer par vas-y. celui où on voit un vaisseau, un chasseur Octavien, qui est entre plusieurs astéroïdes avec un background, un fond de couleur très rouge. Donc ça, c'est un screenshot tout simple, hein, on voit clairement ce que c'est. Un chasseur de niveau intermédiaire, Octavien, qui se balade en ligne droite dans l'espace, dans la zone Octavius Core, donc qui est le centre principal des régions octaviennes, et qui passe à proximité d'une jump gate, donc la boule bleue bien sûr, avec une sorte de structure un petit peu étrange autour. Donc ça n'a jamais été officiellement annoncé de ce que c'était, mais il y a eu des débats et des discussions, des spéculations sur l'utilité d'une telle structure. On voit clairement que c'est une sorte de protection ou de structure qui fait quelque chose, qui interagit avec la jump gate. Donc Voilà. Je voulais dire, ça limite les déplacements aussi. Ah bah si tu tapes contre la structure, oui, ça va te sauter, bien sûr. D'accord, on s'explose. Bon. Tiens, C'est pas mon l'astéroïde, principe, mais rentrons dedans. alors. Voilà. Et puis bon, sinon, Alors. en secondaire, en arrière-plan, on voit quelques stations, ça peut être des stations pirates d'ailleurs, il y en a deux, il y en a à chacune d'entre elles qui sont juste derrière les deux astéroïdes là. Donc D'accord. rien de plus simple. Ok. Pour passer au deuxième fond d'écran, qui est pardon, à la deuxième capture d'écran, parce que toutes ces scènes sont des scènes in-game, je vais passer sur celle qui décrit un petit peu l'univers de Quantar, donc celle qui a une connotation, une couleur verte très forte. Donc on voit clairement, c'est imprégné d'astéroïdes, il y a ce genre de nébuleuse verte en arrière-plan. Et ce qu'on voit surtout, c'est une énorme station Quantar avec différentes structures, des genres de mini-réacteurs, une petite boule qui a l'air d'héberger une chose importante du complexe. Et à ses côtés, un capital ship, donc un vaisseau mère Quantar, qui a l'air d'être stationné ou amarré à la station principale. Ah, je croyais que c'était un D'accord. chasseur, personnellement. C'est un gros chasseur, alors. C'est un Non, gros non, gros c'est un vaisseau chasseur mère. quand même, hein. Donc les vaisseaux mères, ce sont les vaisseaux les plus importants et les plus puissants de chaque armée. Chaque armée en a un, pardon. Et celui-là, c'est celui des Quantars. Et la petite structure qu'on voit à gauche de l'écran, en bas à gauche, qui est comme soudée à l'astéroïde, c'est en fait l'entrée de la station principale des Quantars. Car comme vous le savez, les Quantars, c'est une nation qui est très intégrée à l'univers, qui aime bien, plutôt que d'imposer sa vue, va s'adapter à l'univers et va par exemple construire la base à l'intérieur d'un astéroïde. Ce qui est le cas dans D'accord. la scène qu'on voit sur ce screenshot. D'accord. Et alors tout à l'heure tu parlais des vaisseaux mères, mais quelle taille ils font par rapport aux chasseurs Alors c'est que l'on pourra gigantesque, avoir? c'est vraiment énorme. Si on devait avoir un petit rapport d'idée, on pourrait le comparer à. Vous voyez un des petits astéroïdes, minuscules astéroïdes qui est à côté du vaisseau mère? Eh ben Ouais. ça pourrait être un chasseur. L'un des plus D'accord, petits ouais. astéroïdes qui est à côté. D'accord. Donc un chasseur aurait la taille de ce minuscule astéroïde qui est à côté du vaisseau mère. Donc c'est vraiment D'accord. ridicule, Et hein. ouais. Et une petite parenthèse, au niveau de comment des vitesses de déplacement, ce qui a été quand même pas mal évoqué sur les forums, Ouais. est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus rapide ou plus lent, pareil que les vidéos qu'on a pu voir? C'est difficile à dire parce que ils sont toujours en train de changer. Les développeurs ont toujours, réagissent toujours au feedback des testeurs en interne et puis quand il y aura aussi la bêta. Donc, quoi que je puisse dire maintenant, ça va changer quand je sortira. Donc, D'accord. c'est pas encore finalisé la vitesse qu'on aura dans le jeu quand le jeu sortira, si tu veux. Ok. Et donc, le troisième screenshot. Alors, le troisième, Le plus joli. voilà, qui est Ouais. exactement, qui montre une scène d'action où on voit un chasseur cuirassé qui fuit une scène de bataille, donc qui est en bas à droite, avec plusieurs jolies explosions d'ailleurs, qui ont l'air d'être dues à un combat entre des Quantars, si je ne me trompe pas, parce qu'on voit des petits vaisseaux au fond de l'écran qui ont une forme un petit peu comme un poisson, et on sait que ce sont les Quantars, avec en plus leur traînée qui est de couleur verte, donc ça, ce sont les D'accord. Quantars. Et on voit des vaisseaux qui ont une traînée orange, donc on peut se douter que ce sont les vaisseaux Octaviens. Donc on assiste à une bataille entre Octaviens et Quantar. Permettez, non, ça peut pas être des Octaviens parce que les Octaviens ne fuient pas. Je tenais à le préciser. On meurt, mais on ne fuit pas. D'accord. Alors, il se prépare à mourir dans ce cas? Non. Possible. Possible. Non, je préfère ça, c'est mieux. Alors il revient pour mieux s'armer et pour mieux revenir dans la bataille. C'est comme ça qu'il faudrait Aussi, prendre. oui, c'est Ou pas une voilà. attaque stratégique. Je vois ça comme ça. Tout à fait. On appelle ça la ruse. Voilà, donc en fait, c'est juste. C'est une scène de bataille, tout ce qu'il y a de plus commun, avec c'est vrai que les explosions sont pas mal. On voit au fond aussi, comme petite anecdote, il y a un vaisseau de transport avec, qui est beaucoup plus gros, avec une genre de deux containers à ses côtés, qui est à côté de l'explosion à gauche. Et puis sinon, ça montre aussi l'univers qui est très coloré. Faut savoir que dans l'espace, dans la réalité, c'est souvent très sombre. Et les couleurs comme ça, très flashy, très néon pratiquement, c'est rare. Et les développeurs ont dit non, nous on veut vraiment un jeu qui soit pas forcément ultra réaliste. Donc il y aura par exemple ces nébuleuses ou des couleurs très très vives dans chaque zone. Et par exemple, ils disaient normalement dans l'espace, il n'y a pas de son. Le son ne peut pas Passe être pas, ouais. entendu. Voilà. Donc, alors que là, Normal. dans Jump Gate, ce sera le cas, justement, parce qu'ils ont dit, c'est juste plus fun. Un jeu, c'est pas censé D'accord. forcément être ultra réaliste, c'est censé aussi être fun. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu, on va dire, un petit peu modifier la réalité en proposant des zones comme ça où il y a des explosions qui sont impressionnantes, qui font trembler les joueurs avec le son tout autour de lui et des scènes comme ça très vives, avec des couleurs très, très puissantes. D'accord. Alors, au niveau des couleurs, justement, avec Brunia, on a eu l'occasion de parler tous les deux. À ce qu'il se dit, si on n'avait pas eu, si on n'avait pas de soleil, en réalité, on verrait ces couleurs-là. D'accord, donc tu veux dire qu'en fait c'est un certain spectre des couleurs, mais que l'être humain n'est pas Voilà. capable de le voir. D'accord. Voilà. D'accord, oui. C'est une possibilité. Oui, donc en fait si on voulait vraiment pousser au maximum, on pourrait dire, bah, en fait c'est parce que dans votre cockpit, vous avez un filtre qui affiche toutes les On couleurs. pourrait dire ça, ouais. Pareil, des filtres audio, Ceux hein, qui pour sont vraiment... entendre. Ouais, voilà. Voilà, ouais. On pourrait dire Ouais. ça. Un filtre Ok, sonore. ok. Bon. Donc, maintenant, on va passer à Antonev avec les sondages qui ont été effectués sur le site officiel. Donc oui, début novembre, j'ai commencé à diffuser, enfin à faire des sondages sur le forum officiel, hein, ainsi que sur jeu D'accord. online, hein, dans le but d'apporter déjà de l'animation, et ensuite de D'accord. recueillir l'avis des joueurs, hein, en fonction de différentes mécaniques de jeu ou selon différentes suggestions qu'on pourrait faire aux développeurs. C'est ainsi qu'il serait quand même important de répondre le plus possible aux sondages, hein, ce qui pourra D'accord. donner, comment dire, une piste à donner aux développeurs pour développer certaines mécaniques de jeu. Comme par exemple, D'accord. le premier sondage était à propos des pertes PVP. Quel type de pertes PVP devront faire les développeurs? Comme, D'accord. Et donc les résultats? donc, résultat, on va dire que ça varie d'un forum à l'autre. Hein. Sur le Vas-y. forum officiel, on peut voir que beaucoup sont pour la perte d'objets de la soute et les frais de réparation, D'accord. ce qui est assez logique. C'est pas trop pénalisant, mais ça pousse les joueurs à quand même s'attaquer aux autres joueurs en mode PvP, Voilà, oui. avoir la patte du gain. Alors que sur jeu online, on est beaucoup plus hardcore quand même. C'était moitié-moitié entre la perte de soute et la perte du vaisseau. D'accord. D'accord. Et il faut dire Carrément qu'il y la a perte beaucoup du de. vaisseau. Carrément à perte du vaisseau, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Eve, hein, qui s'intéressent à Ah Jump oui. Gate. Donc Exact. résultat, Ils sont habitués justement à ce côté un petit peu Voilà. très, Moi, très dur des côtés PVP, quoi, des combats PVP. voilà. En même temps, comme on a pu le voir, Jump Gate s'adresse quand même à un public large. Et je pense franchement que la perte du vaisseau, ce soit pas forcément le bon plan pour tout le monde. C'est radical, hein. Ah, c'est C'est plutôt très radical. radical. Puis, c'est une question d'avis, en fait. C'est vrai. Il y a des personnes qui voudront avoir plus du casual et d'autres personnes qui voudront vraiment avoir du réalisme parce qu'ils diront, mais si tu ne perds rien, tu vas pas avoir peur d'aller dans le combat. C'est C'est. sûr. Ouais. D'où les pertes d'objets de la soute. Voilà, c'est une question C'est de choix. complètement propre. Exactement, oui. D'où les questions. Ouais. D'où la perte d'objets et les frais de réparation qui te font réfléchir deux fois avant de te lancer juste dans une attaque kamikaze. Il faut dire que la D'accord. perte de vaisseau, quand même, apporte une certaine dynamique d'économie dans le jeu, ce qui pousserait à acheter de nouveaux moteurs, de nouveaux guns. Mais bon, c'est assez difficile d'équilibrer ce genre de Tout à mécanisme. fait, ouais. Et puis surtout, les développeurs de chez NetDevil ont dit qu'une des raisons principales pour laquelle les joueurs étaient frustrés, et leur but principal, c'est de ne surtout pas frustrer les joueurs, de leur procurer du plaisir plutôt que de la frustration. Une des causes principales de frustration, c'était quand tu perdais trop. C'est-à-dire que tu avais pris des heures à monter ton vaisseau, et puis après tu le perdais en un combat de 2 minutes. Ça, c'était quelque chose qui les frustrait beaucoup et qui pouvait encourager les joueurs à aller voir d'autres jeux parce qu'ils en avaient C'est marre. sûr. Je pense surtout sur Jump Gate, on va pas avoir la même rapidité de combat qu'on pourrait avoir dans Eve. Je connais pas très bien Eve, mais je pense pour moi que Jump Gate, ça va être des combats très très rapides. On va descendre un vaisseau tellement vite que quelqu'un qui l'aurait perdu, je pense qu'on aurait très vite les boules quoi, de perdre C'est son vaisseau. vrai, C'est c'est sûr. vrai. Ouais. D'accord. Donc ça, c'était un peu le premier sondage. Et donc, t'en as fait un deuxième apparemment, tu disais? Donc j'en ai fait un deuxième. C'est à propos du gameplay à avoir dans l'espace par rapport à la dynamique entre joueurs. Donc D'accord. les collisions et les tirs alliés. S'il Ok. fallait les activer ou pas. Ce qui Alors, est et un ça, grand pareil, débat vraiment dans le jeu. c'était un grand débat aussi sur le forum officiel, oui. Ouais. Alors c'est vrai que pour l'instant, dans les tests Friends and Family et dans les tests en interne, je crois que le tir allié est désactivé. Mais les développeurs ont dit que s'ils avaient la possibilité tout à fait de l'activer, donc c'est plus en fonction du retour des joueurs que ça va se jouer. D'accord. Donc on peut s'attendre en fait à une phase de bêta sans le tir allié ni les collisions alliées et une phase de bêta avec tout ça. Je ne sais pas du tout comment ils vont le mettre en place. Ça D'accord. dépendra surtout des attentes, non? Enfin, des retours des joueurs s'ils demandent à cor et à cri ces mécanismes. Oui, bah c'est sûr que si une communauté entière commence à dire on veut vraiment, vraiment ça, les développeurs ils vont y réfléchir à deux fois. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et au niveau de collision vaisseau. On n'a pas eu de détails pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des collisions vaisseaux, donc faut voir à quel combat ça s'applique. Par exemple, quand tu te bloques contre un vaisseau mère ou alors un astéroïde, ça va t'infliger des dégâts. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour les vaisseaux alliés ou les combats entre deux vaisseaux de petite taille? Il y en a qui ont proposé des bumps qu'on est censé avoir de collision avec un autre vaisseau, ce qui Ouais. pourrait être une solution. Mais sinon, de ce C'est que vrai j'ai que ça peut vu, être sympa. dès qu'on touche un astéroïde ou un vaisseau capital, c'est l'explosion directe. Là, je sais pas encore. C'est aussi quelque chose qu'ils sont en train de peaufiner. En tout cas, ça fait des dégâts à ton vaisseau. Je sais pas si c'est aussi en fonction de la vitesse de ton vaisseau ou de ton armure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de peaufiner. Donc, je sais pas dans quelle mesure ça pourra te détruire instantanément ou pas. Je pense que leur approche sera plutôt non instantanément, c'est-à-dire que ça va te détruire progressivement ton armure et que quand D'accord. tu seras à zéro, ça te fera exploser. Il me semble que ce qu'avait dit Arman à un moment, c'était que justement, quand ça cognait une station ou un astéroïde, quelle que soit la vitesse, c'était pas la mort instantanée pour D'accord. éviter des problèmes quelconques en fait qui pourrait y avoir quoi, à cause de ça. Bah Parce que ça reste dans une Jump collision. Gate classique, les collisions par contre étaient instantanées, c'était vraiment C'est vrai. limite, Mais t'allais à peine ouais. vite. Si tu rentrais dans une station, t'avais très très très mal. Ouais. Mais pas pareil, hein. Enfin, c'est une question. Est-ce que Jump Gate classique, par exemple, est très hardcore et est-ce qu'ils veulent pas obtenir un jeu plus grand public? Sûrement. Peut-être, mais il y a toujours le côté immersion qui reste assez important. C'est vrai, mais faut équilibrer entre l'immersion et les joueurs débutants. Parce que si un joueur débutant n'arrête pas de se crasher et de mourir Oui. juste parce qu'il est mauvais pilote, c'est pas lui donner sa chance, si tu veux. Mais justement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Antonev concernant les bumps. Est-ce qu'il n'est pas envisageable sur les vaisseaux de faire une mécanique simple, c'est-à-dire une sorte, les vaisseaux auraient une sorte de bulle, ça serait leur mécanique à eux, ce qui fait que quand cette bulle touche la bulle d'un autre vaisseau, c'est ça qui bloque en fait. On ne pourrait pas traverser la bulle de l'autre vaisseau. Voilà, D'accord. ça serait peut-être plus simple à mettre en place. Je vois ce que tu veux dire, mais ce que les développeurs ils avaient pensé à ça et ils avaient dit que ça pourrait introduire des joueurs qui veulent juste gâcher le plaisir des autres en fonçant dans n'importe qui et en s'amusant juste à pousser les autres, si tu veux. Non mais C'est le justement, risque. c'est pas celui qui se fait pousser qui bougera, c'est celui qui arrive vite D'accord. contre l'autre qui D'accord. sera répercuté en arrière, c'est ça le... Ah, Et du ok. coup, il n'y aura plus de gâchis. Ouais, mais alors comment tu détermines celui qui arrive sur l'autre? C'est vrai. Parce que c'est facile de dire bon, je me mets à fond, je fonce vers le mec, et au dernier moment je ralentis, je lui rentre dedans. Et à ce moment-là, j'arrive le moins vite, c'est lui qui est pénalisé. Non, Ouais. non, non, c'est toi qui arrives sur lui. C'est tu te déplaces dans un seul sens. Non, mais Mais ça, comment c'est une tu peux question de déterminer perception. si c'est lui ou si c'est toi? C'est comme C'est ça beaucoup le de truc. choses, quoi. Si ça doit être mis en place, il faudra l'équilibrer et ça va être Pas de compliqué, quoi. rebond, ça, on s'arrête juste. On peut pas aller plus loin en fait. On Ouais. n'emmerde pas la personne parce qu'on la pousse pas, on n'est pas poussé, on est juste bloqué. Alors le truc, c'est que t'en as 4-5 dans la même zone qui font tous pareil. Tous les 5 mètres, t'as arrêté, quoi. Oui, mais on part du principe alors qu'il va y avoir beaucoup d'idiots dans le jeu qui vont s'amuser à emmerder les autres. Non, mais bon, il peut y Malheureusement. en avoir toujours un groupe de 4-5. Jouer à ce soir, on est 4. Allez, on se dit, tiens, on va aller embêter tout le monde. On y va, on se rejoint dans une zone et c'est parti. C'est pas idiot. Donc, c'est assez délicat, quoi. Ah, mais je vois le point de vue se tient, ouais. Donc voilà. Antonev, Oui. encore un sondage? Comment? Est-ce que tu as encore fait un sondage? Moi j'en ai un, Non, c'est c'est un est-ce par que semaine. Antodave fait trop de sondages? Il y a déjà un Non? Ah, résultat, ouais, on pourrait faire aussi. Ça, je le ferai mi-décembre. c'est. Non, non, mais comme il le Mi-décembre. disait, c'est vrai que c'est important que les gens aillent voter, quoi. Je sais pas s'il y a une remontée Ah! chez NetDevil, au Si, Code si, Bastard. si, si. Si, si, si, si, il y a des remontées, hein, bien sûr. Ils regardent les forums, ils regardent les rapports qu'on leur fait et ça guide certains de leurs choix, hein. Oui, mais là, 20 personnes sur le dernier sondage, est-ce que ça a un impact? C'est pas suffisant, je pense. Voilà. 20 D'accord, personnes, donc c'est allez nombreux insuffisant. voter Mais ça montre la vie de la l'identité officielle. communauté française. Voilà, c'est ça. Ça Ouais. va donner l'avis d'une partie de la communauté La française, parce que tendance. tout le monde va. Voilà la tendance. Mais c'est vrai que 20 personnes, ça va pas les convaincre qu'il faut changer le jeu complètement, tu vois. C'est Et en vraiment. plus, les joueurs qu'il y a sur le forum ne représentent pas forcément tous les joueurs qu'il y aura au moment de la sortie. Ça, ce Exactement. seront Oui, les ceux plus qui fidèles. participent et tout. Exact. Exact. Bien sûr. Ça aussi, Surtout c'est que la grande important. majorité des inscrits sur le forum sont, on va dire, silencieux. Ils Mmh. lisent, ils regardent, mais Ouais, ce ils sont des répondent pas, quoi. lecteurs, mais pas des. Ouais. Voilà. Mais Voilà, c'est voilà. comme ça sur tous les forums, hein, j'ai envie de dire. Ah On oui, vous aime quand même, c'est hein, si sûr. vous nous écoutez. Oui, non, on n'est pas en train de casser du sucre sur le dos des auditeurs. Non, une pensée à eux d'ailleurs. Merci de nous écouter, c'est vraiment gentil. Attendez, faut partir du principe qu'il y a déjà quelqu'un en train de nous écouter, ça. C'est pas encore dit. Peut-être nous cinq, Attends, on se gâche tout là. réécoutera tous les cinq pour le plaisir. Ouais, Et bien bah oui, bien voilà, sûr. ça fait Si, déjà mais cinq écoutes. on va Mais oui. diffuser un bloc. Voilà, et puis si après tu diffuses la news sur les portails principaux francophones, ça va s'écouter. Je compte sur toi demain après-midi dès que je t'ai fait signe. Pas de Après, bouche soucis. à oreille aussi. Surtout, ou de Le bouche à partout. bouche. Ça dépend avec qui. Alors, ce qu'il faut Bon. retenir, c'est qu'il est important quand même de voter au sondage. Voilà. Oh, voilà, exactement, oui. Et tes futurs sondages? Bah, il y en a un peu de près pour la semaine Décembre. prochaine. Est-ce que Semaine prochaine. Une c'est exclue. secret? Une exclue. Ah, tout de Vas-y, suite, hein, dis. ça demande, hein. Allez, De toute façon, on n'aura pas allez. la date de la bêta, on peut avoir le prochain sondage. La quoi? Quand sera la date de la bêta? Non, bon, j'arrête. Bientôt. Alors, je pensais. Ça discute beaucoup sur les forums anglais en ce moment à propos de la fonctionnalité d'avoir un avatar de chair, enfin de chair, Ah, pixelisé d'accord. quoi. Et donc, il est important d'avoir ce genre de feature dans Jumgate, vu qu'apparemment Black Prophecy va aussi le mettre dans son jeu. Non, mais Blog Prophecy, c'est une référence. Non, tout à fait. Je sais. Mais avant, il l'avait pas prévu aussi. Et tout d'un coup, ils veulent le mettre dans leur phase de développement. On va dire que c'est un plus. Voilà, moi j'ai envie de dire c'est un bonus. Ça permet de s'identifier Mais au final, c'est quoi Jump Gate Evolution? C'est un jeu dans l'espace avec ton vaisseau. C'est ça le principal. Est-ce que c'est important de voir la tête d'un avatar qui fait jamais autre chose que piloter ton vaisseau? Non. Bon, pour moi, c'est pas le principal. Donc, je préférerais à la limite Non. que les développeurs se concentrent sur le PVP, sur le PVE, sur le contenu, sur les fonctionnalités, plutôt Voilà, que puis ça sur... viendra plus tard. Voilà. Oui, ça peut venir plus tard aussi, bien sûr. Non, mais cependant, on est quand même dans un monde libre. Le sondage peut... Ah C'est oui, non, vrai, c'est mais... sûr. Oui, non, C'est absolument, sûr. absolument. Là, c'était juste mon avis personnel. Mais je suis d'accord avec toi Voilà. quand même. Il y a quand même des personnes qui s'identifient beaucoup à leur personnage. Tout à Il suffit fait, de tout voir à fait. l'attente qu'il y a eu sur Eve jusqu'en Ouais, et Révélation. puis les C'est vrai. développeurs vont nous foutre des elfes aussi dans les stations. Ça pourrait être marrant, ouais. Avant trop de la bière. Sympa. Sauver les elfes, mission Hein. principale. Pas Oh mal. bah alors là. Attends. Celle-là, je la ferai pas. Moi non plus. D'accord, je le note. Alors, On rapport peut pour les comprendre que les développeurs. joueurs veulent avoir un avatar, mais le jeu est quand même comment dire, concentré essentiellement sur 95% d'action. C'est vrai. 90-95. Bah c'est vrai que c'est l'action qui est le point principal du jeu. Hein. C'est vraiment ça, l'action dans l'espace, c'est ça le point fort. De ce que j'ai compris, on arrive en station, c'est on fait le plein, on répare et puis on part. C'est Bon, il y a, quoique. y a plus que ça, mais c'est Oui, vrai que mais. bon, c'est oui. Bah, À part l'artisanat. Hein. si on prend Jump classique, la chose très simple, c'est on arrivait dans la station et puis on pouvait discuter avec ceux de la station sans aucun problème. Pas besoin d'avoir forcément un personnage qu'on va faire bouger, quoi. Enfin, Exactement, ouais. on avait une vue sur notre vaisseau et puis les noms des personnes présentes, et puis voilà, quoi, c'est tout. Mais c'est bien comme ça. Ouais, C'est suffisant. ça suffit. Justement, en parlant des stations, on va en venir au FAQ. Oui. Donc, Ok. Diedi, le FAQ Ah, du ah bah 14. je vois qu'il est 20h, 21h30, l'heure à laquelle on avait dit qu'on finissait, donc bah je vais vous laisser. Non, on se défile pas. Engagé piscine. Oui, Et zut. Ici où je t'attache, c'est simple, hein. Baïonnez-le. Puis on te boycotte ta réputation après. Donc, Didi, vas-y, présente-nous la FAQ du 14 septembre. Bon, la FAQ. Alors déjà, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein, quand on dit la FAQ, c'est les questions-réponses à Hermann. Est-ce que tu peux Questions-réponses présenter, qui ont Herman? lieu depuis quelques mois maintenant, hein, depuis juillet, je crois, de cette année, C'est qui avaient ça. lieu toutes les semaines, qui malheureusement se sont réduites à tous les mois. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'ils travaillent, hein, les pauvres. C'est sûr. Et que dire d'autre? Edith, Edith. Edith. T'as remarqué que dans Didi, c'est une partie de Edith? Pardon. Ça fait un petit Mathias. Je suis tombé. Désolé, désolé, c'était un moment d'échappement. Je sais pas où c'est passé. Sans Bon, reproche. Didi, vas-y. Non, mais on peut commencer tranquille sur la première question. C'était D'accord. la question de Jaco qui disait est-ce que vous pourriez nous donner une petite liste des commentaires qui sont issus de la dernière Friends and Family? Donc Friends and Family, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la séance, enfin ce sont les séances de test en interne avec des personnes triées sur le volet qui testent le jeu avant tout le monde pour donner leur premier retour et pour que les développeurs puissent peaufiner le jeu avant qu'il sorte en bêta. C'est D'accord. une Que des alpha, quoi. privilégiés. Oui, que des privilégiés. C'est-à-dire que Didier n'en fait pas partie. Donc, pour la première question, pour la première question, c'était tout simple. Il y avait Herman, donc le producteur de Jump Gate Evolution, qui disait qu'ils avaient en fait beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et l'interface utilisateur. Et ils avaient dit que leur plus gros problème, c'était que les joueurs ne lisaient pas les missions. C'est-à-dire que tu avais le texte de la mission et tout ce que les joueurs faisaient, tout ce que les testeurs faisaient plutôt, Ouais. c'était cliquer sur accepter. Et donc, en fait, D'accord. il y avait pas assez d'immersion dans le jeu, dans l'univers du jeu, et ils ont dit on va modifier un petit peu ça. Donc ils ont retravaillé les effets et ils ont intégré un système de mission qui est plus progressif. C'est-à-dire que tu auras un tout petit texte qui te présente rapidement le premier objectif de la mission, et au fur et à D'accord. mesure de ton voyage dans les zones, tu auras des sortes de pop-up, enfin des petits commentaires de la part du joueur ou de la personne qui t'a donné la mission, qui te dira, voilà, on a eu un update, le radar que tu as utilisé ou le scan vient de revenir chez nous et on a remarqué qu'il y avait une concentration d'ennemis dans telle zone, est-ce que tu veux pas aller jeter un coup d'œil? Donc le joueur va jeter un coup d'œil et il reçoit un nouvel update, une nouvelle mise à jour de la mission qui lui dit: ah, finalement, on va peut-être pas les attaquer tout de suite, ils sont trop forts, fais un scan de leur station principale et on va étudier leur plan pour savoir comment les attaquer au mieux. Donc en fait, ça permet d'apporter des objectifs de manière progressive. Plus progressive. Et coupé au montage, hein. Ouais. Donc, voilà. Ça permet aux joueurs de mieux s'intégrer dans l'univers et de mieux comprendre les différentes factions, l'histoire, ce genre de choses. D'accord, d'accord. Ah, ça y est, il y a Didi qui bouine maintenant. Mais c'est vrai que non, c'est pas mal ce retour sur le système de mission, parce que en tant qu'ancien WoWer, c'est vrai que ça c'était vite gonflant de lire tous les textes. Voilà, on prenait la mission, on partait, ouais, voilà, on revenait et terminé, quoi. Et puis tu savais, des fois je savais même pas qu'est-ce que je devais faire finalement, parce que j'avais pas, voilà, le texte, et c'était par hasard que j'accomplissais mes missions, quoi. Donc non, c'est pas mal. Après tu demandais sur le chat, où est-ce que ça se trouve, truc machin. Exactement. Ouais, c'est pas comme ça que ça marche, la quête. Éventuellement avec le cartographe en plus. Je sais pas, moi je suis une flèche, hein. Puis je tape et puis je suis la flèche. Ils se sont améliorés avec le temps à ce niveau-là chez Blizzard. Ils ont ajouté des petits points sur la minimap qui permet d'indiquer qu'il y a quelque chose à faire dans le coin. Voilà. Ah oui, ouais. Évidemment. Vas-y, vas-y, Didi, fais. On sent que tu veux te lancer là. Fais la deuxième question. Vas-y. La quoi? La deuxième question. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos des stations de recyclage. Seront-elles limitées à l'espace non réglementé? Non, non, mais donc la question qui était posée, c'était vraiment sur les usines et stations, savoir si on allait les avoir un peu partout ou uniquement dans les secteurs de début, et enfin, comment ça va fonctionner exactement, quoi. Il me semble qu'on savait déjà que les stations de recyclage, enfin de surtout je pense les stations de production ou autres, on en aurait dans les secteurs de JCJ ouverts. Mmh. Et cela dans le but en fait d'amener comment dire un petit défi pour chaque nation pour disposer des technologies les plus évoluées dans le JumpGate. Non mais c'est ça. C'est quelque chose dans le genre, quoi. Alors, au niveau recyclage, quels éléments pourront être recyclés finalement? Parce que moi, ça me saute pas forcément aux yeux. Qu'est-ce qu'il y aura comme contenu qui pourra se recycler? Les armes, un truc comme ça. Bah, à mon avis, ce serait les trucs vraiment. Débris. Voilà, c'est ça, des débris, des choses comme ça, oui. Des restes que tu as looté sur les autres vaisseaux et que tu peux recycler pour les transformer en matériaux de base, des matériaux bruts. Comme ça, avec tes copains, tu pourras te disputer le bout de gras. C'est bien. D'accord. Parce que là, c'est vraiment le côté crafting du jeu, si tu veux. Ah non, mais tout à fait. C'est-à-dire que tu auras les trois sections. Tu auras la fabrication, le recyclage, qui est donc ce qu'on vient de parler avec... Tu prends un débris et tu le retransformes en minerai. Et la raffinerie, où c'est du minerai de base que tu transformes en matériaux plus avancés qui vont te servir à fabriquer des armes, des objets, D'accord. D'accord. Voilà, et puis comme le dit Herman dans sa réponse, il y aura des objets qui ne pourront être construits que dans l'espace non réglementé. Tout à fait. Ce qui est pas plus mal, ça permet aux gens d'aller jouer et en JCJ. JCJ, merci. C'est dur, hein. On peut dire PVP aussi, je pense que tout le je monde. Je pensais à PVP et PVE, voilà, c'est ça, ouais. On va en venir. Ouais, tout à fait. Bah, surtout, ça encourage les joueurs à aller, si tu veux, c'est les joueurs qui veulent faire que du PVE, donc du joueur contre environnement, ils peuvent. Et s'ils veulent avoir du matériau de plus haute qualité, soit ils font du joueur contre joueur, et dans ce cas-là, il faut se protéger pour arriver à la station ou au minerai qu'ils veulent crafter, qu'ils veulent utiliser, soit il faudra qu'ils l'achètent dans l'auction house, dans la maison des ventes, s'ils ne peuvent pas aller dans la zone joueur contre joueur. Ok, justement, ceux qui veulent pas aller dans la zone joueur contre joueur, c'est souvent quand même des gens qui veulent pas jouer en groupe, et justement c'est la troisième question qui a été posée dans ce FAQ. Quelle belle transition. Est-ce que... Ouais, t'as vu ça. GG, non, GG à Jaco quand même. Est-ce que ces personnes-là pourront quand même prendre du plaisir à jouer sans être en groupe? Non. Voilà, comme ça, voilà, c'était la question con, mais fallait la poser quand même. Donc, auditeur, vous avez compris, c'est un MMO. Jouez en groupe. Exactement. Ouais. D'ailleurs, ça va un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement, vu que beaucoup de jeux permettent de faire pratiquement tout le contenu de leveling en solo, ce qui apparemment n'est pas trop le cas de JumpGate. Bah, c'est toujours comme dans tous les MMO, je ne sais pas comment les développeurs vont le mettre en détail, mais si tu veux, il y aura un gros scénario, parce que l'univers de JumpGate Evolution est riche, donc ça sera des missions qu'on peut faire en solo, mais il y aura certains passages qui seront nécessaires avec un groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à être tout seul contre une station spatiale entière. Et évidemment, ça semble logique, mais je le dis, il faudra se mettre en groupe et commencer à travailler en équipe. Justement, tout à l'heure, on parlait de la bêta fermée et on se demandait... quelque part, à quelle date allait sortir. Alors, je vais pas te demander à quelle date ils vont la sortir, mais simplement pourquoi elle était repoussée. Parce que je te l'aurais dit. Hein. Non, mais d'accord. Bon, si tu veux pas savoir. Vas-y. Hein. Excuse-moi, repose ta question. Tu veux savoir pourquoi ça a été repoussé. Voilà, pourquoi ils ont pris du retard. Alors, il faut savoir que NetDeville a travaillé sur d'autres MMO dans le passé, notamment Auto-Asso. Qui n'a pas forcément été un succès phénoménal, et ils ont déjà sorti des MMO, et ils savent quelles sont les erreurs à ne pas produire, et comme on a vu, il y a d'autres MMO qui sont sortis récemment également, qui ont eu des difficultés à vivre sur le long terme. Oui. Et eux, justement, ils veulent sortir un jeu de qualité, et qui correspond aux attentes des joueurs. Ne pas forcément le patcher tout de suite, parce que justement, ils auront bien complété le jeu, et surtout, une question d'équilibrage. Il disait, notre jeu est basé sur l'action, principalement. Donc, ce qui est très important, c'est qu'une classe ne soit pas surpuissante par rapport aux autres. Parce que dans ce cas-là, on verra plus que cette classe-là dans le jeu. Et ça sera vraiment ça sera dommage pour toutes les autres classes qui sont délaissées. Comme à une époque dans certains MMO, ou entre autres dans WoW, qui est quand même assez flagrant. À l'époque où le démoniste était vraiment la classe la plus puissante. Donc, enfin, ça, c'est périodique quand même, hein. Oui, voilà. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours quelque chose que toujours le cas. C'est toujours une classe. C'est lâché depuis un bout de temps. Pas pareil, mais bon, il y a toujours une classe qui faisait de marque du lot à chaque patch. Exactement. Et leur point de vue, c'était qu'il fallait essayer d'équilibrer au mieux pour que chaque joueur puisse avoir une chance face aux autres ennemis. Et qu'il n'y ait pas une classe qui soit surpuissante. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Parce que tester, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 minutes. Et voilà. Et puis, d'accord. Ils veulent un jeu de qualité quand ça sortira. Je pense qu'il y a aussi le fait que la plupart des derniers MMO qui sont sortis en bêta en fait. Ils sont sortis avec des bugs en masse dans tous les sens et qu'il fallait corriger le plus vite possible pour satisfaire les joueurs. Tous les MMO que j'ai testés dernièrement, c'était pas un MMO fini avant 3-4 mois après la sortie, quoi. Et je pense que c'est un truc qu'ils veulent éviter aussi pour JumpGate, quoi. Ils veulent un vrai jeu à la sortie. Ce serait logique. Un jeu peaufiné, pas un demi-jeu ou une bêta. Ok. Bon, la question suivante du FAQ était un peu une question bête, on va dire. Non, c'est pas bête du tout. Non, je suis désolé. C'est une question très importante. Vas-y, alors pose la question. Combien de taviens faut-il pour changer d'ampoule quand même ? Attendez, c'est pas n'importe quoi la question. Hein. Alors, là c'est marrant, mais on t'entend. Je trouve ça important. D'accord, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il faudrait poser la question en fait à notre ami Brugnard, hein. C'est lui l'Octavien dans le coin, je crois. À la ville, ils les cassent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, tout simplement. Herman disait que nous a demandé s'ils les avaient pas déjà toutes cassées. Donc on va revenir un peu sur Je pense que ça illustre parfaitement l'univers de JumpGate, c'est-à-dire que les Octaviens, eux, c'est ceux qui cassent. Et les Quantards, c'est ceux qui font dans le subtil. Et les Quantards, pardon, t'as pas entendu. C'est ceux qui font dans le subtil. D'accord. Subtil. Mystique, oui. Donc, on passe à la question suivante. Les ressources uniques. Oui. du côté du JCJ ouvert. Est-ce qu'il y en aura? Alors. Ah, il a dit tout à l'heure que oui. Oui. Voilà. Mais beaucoup, pas beaucoup? Est-ce Je qu'elles sais sont pas. vraiment rien? Tout ce qu'on sait, c'est que les développeurs veulent intégrer des éléments qui seront uniques à la zone joueur contre joueur, D'accord. pour justement encourager ce côté, tout ne se trouve pas dans la zone facile, on va dire. Pas facile, mais c'est-à-dire que quand tu te bats contre des bots, c'est une autre chose que se battre contre des humains. Ça, tout le monde le sait. Et D'accord. aller en zone PVP, en zone de joueur contre joueur, ça va pas être la même chose. Il faudra être accompagné, il faudra protéger ses arrières. Si par exemple tu es un crafter avec un gigantesque vaisseau de cargaison, les chasseurs légers, ils vont se faire un malin plaisir de te poursuivre et de te détruire à petit feu. Parce que tu auras Logique. très peu de défense et tu seras très peu mobile. Voilà. Mobile, oui. Mobile. Alors justement, il faudra demander à ses amis de vous accompagner avec des éléments de défense. Et D'accord. donc on peut penser à effectivement des astéroïdes éventuellement, des ressources qu'on ne peut construire que dans les zones joueur contre joueur, donc c'est-à-dire une station spatiale de construction qui ne se trouve que dans cette zone-là. Et évidemment, tous les joueurs PVP y seront à côté. Donc on peut penser par exemple à des guildes de joueurs PVP qui contrôlent la station. Et si tu veux construire un certain élément, il faudra payer. On peut penser à ce genre de choses. Ou alors il faudra les déloger. C'est-à-dire que tu iras avec ta guilde à D'accord. toi pour aller les déloger de cet endroit et bénéficier de l'avantage de construire des trucs uniques. Ok. Guide, Ça vous peut m'avez être dit? très sympa. Oui. D'ailleurs, ça me fait poser une autre question. Est-ce qu'il y aura un système politique dans JumpGate? Comme le contrôle de territoire avec une carte, etc. Oui, Si c'est mais peut-être pas prévu. dans la manière dont tu le vois. C'est-à-dire qu'il y aura des zones PVP où on pourra construire des stations qui appartiendront à la nation. D'accord, oui. C'est-à-dire que ce ne sera pas réservé à la guilde. C'est-à-dire que si tu es une guilde D'accord. Solrain et que tu construis une station, ça sera une station Solrain. La zone sera sous D'accord. Donc contrôle Solrain. là, en même temps, tu réponds à la question de Diedi, je crois. Oui, Voilà. c'était si c'est guild ou nation, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut se Voilà. rappeler que c'est vraiment un jeu nation contre nation contre nation. C'est les trois nations qui se vouent une haine énorme. Et pas vraiment une haine, mais elles survivent, si tu veux. Il y a eu le shift. Il faut qu'elles survivent et un des éléments de survie, c'est de contrôler les choses qui te donnent des ressources. Donc, entre Octavien, on se serre les coudes, entre Solrain, on se serre les coudes, et si jamais il y a un Solrain qui contrôle cette zone et que tu es Octavien, eh ben non, non, mon ami. La ressource, elle est pour nous. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ok. Donc, bon, tout à l'heure on parlait justement toujours de la date de sortie de la bêta. NetDevil, bon, développe toujours et peaufine le jeu. Mais quand est-ce qu'ils le prendront comme terminé? Y a eu une date de sortie prévue vers 2010 qui a été supposée, donc qui est pour l'instant hypothétique. Ça me Voilà. semble assez réaliste en 2010. Donc, fatalement, il y aura aussi la bêta fermée et la bêta ouverte qui se passeront avant la sortie, évidemment. Normal. On n'en connaît pas encore la durée exacte, ni la date à laquelle elles seront lancées. D'accord. On peut espérer avant la fin de l'année, peut-être? C'est ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été communiqué par Scott Brown, qui est le président Voilà. de NetDeville. J'imagine qu'il travaille à fond pour respecter cette date. Les auditeurs remarqueront avec réalisme que on est quand même mi-novembre, que c'est bientôt Voilà. la fin de l'année, et que NetDeville nous a habitués à des retards. On s'en souvient très bien. On On espère fait que c'est le ça, ça dernier. va, on s'en trouve très bien. Après, on verra. J'ai envie de dire que si la date de sortie de la bêta n'est pas respectée, est-ce que c'est un drame? Oui, c'est un drame parce que les joueurs ont envie de jouer au jeu et c'est normal. Non, c'est pas un drame parce que ça permet aux développeurs de sortir un jeu de meilleure qualité et au final, le joueur en profitera plus. Vu comme ça, oh, d'accord. J'ai juste envie de dire Maintenant, que le fait de prenons trop l'information attendre, avec des pincettes parce que c'est vrai que le voilà. fait de trop d'attendre, c'est pas bon non plus, mais Exactement. faut pas rusher le développement du jeu. Ah non, Mais c'est sûr. est-ce qu'il ne pourrait pas nous faire des phases de bêta limitées à certaines choses, par Voilà, exemple, et comme on a vu par tester le exemple dans Champions. PVP ou... C'est très possible que ça se passe dans la bêta fermée. Dans la bêta ouverte, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'au début de la bêta fermée, il est possible qu'il y ait des périodes où on vous demande, ou en tout cas on demande aux testeurs, de se concentrer sur un aspect particulier du jeu, pour réunir D'accord. un maximum de joueurs dans telle zone et qu'ils puissent se rendre compte de quels sont les endroits où il y a un problème, quels sont les bugs, et ainsi de suite. D'accord. Pour rappel et vérification, lors de la sortie de la bêta, les testeurs seront prévenus environ une semaine à l'avance. C'est pas encore défini. On ne sait pas encore combien de temps à l'avance ils vont être prévenus, mais ils seront prévenus, oui. Du jour au lendemain. Novembre. Et là, crise cardiaque. Oh non. Quand même pas. Mais dis-moi, Mathias, la bêta, ce serait une vraie bêta ou c'est une bêta fermée commerciale? Non, je pense que ce sera une vraie bêta. On l'a vu avec les développeurs, ils veulent vraiment pousser à fond le test. Et pour eux, ça sera vraiment une bêta. Ça sert à tester le jeu, voir s'il y a des bugs, voir s'il y a des côtés, des fonctionnalités qui sont mal pensées ou qui sont au contraire, qui sont bien et sur lesquels il faut se concentrer. Pour eux, c'est vraiment un moyen de tester leur jeu à fond avant qu'ils sortent. Ce qui démontre une fois de plus leur sérieux. Exactement. Et ça explique aussi pourquoi ils ont pris du retard sur certaines choses, parce que justement, ils veulent quelque chose de bien fait. D'accord. D'accord, nickel. Bon, et bien voilà pour ce premier podcast. J'aimerais faire des remerciements aussi, notamment à toi, Jaco, et à notre cher ami Néo, qui n'est point présent ce soir, pour la construction de Skynet, design pour ta part et encodage pour la sienne. Bah, un taf énorme qui a été fait. Les premiers retours sont assez satisfaisants, les gens aiment bien le design et les fonctionnalités. Et merci aussi aux gens qui nous soutiennent, comme nos trois invités ce soir, donc merci à vous. Et merci aux prochaines personnes qui viendront passer du temps avec nous et qui utiliseront Skynet. C'était un plaisir. Bye. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Prochain podcast. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. J'espère que ce montage vous aura plu. Et puis, j'attends vos retours assez rapidement. Merci à vous.